Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et comme nous l'avons dit en début d'émission, nous sommes aujourd'hui en compagnie de trois étudiants, Judith, Shana et Philippe, qui sont étudiants au Collège des Compagnons. Ils sont avec nous pour souligner la journée mondiale de la radio qui aura lieu demain sur le thème « Les jeunes et la radio ». Ils étaient jusqu'à présent cachés dans la régie, mais maintenant ils meurent d'envie de prendre la parole. Et on va commencer avec Judith qui justement envisage des études en journalisme. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. Et nous sommes également en compagnie d'Adèle Mazuret qui, en cette veille, cette avant-veille de la Saint-Valentin, propose de s'interroger sur la diversité des couples dans la nature, chez les animaux et dans les sociétés humaines. Alors on parle de polygynie, de polyandrie, de monogamie. Est-ce que je vais y arriver? Quelle est la norme dans tout ça? Adèle va nous démystifier un petit peu les questions. Bonjour Adèle. Bonjour Valérie. Bonjour Judith. On a déjà tous entendu parler de monogamie et de polygamie. On a une vague idée de ce que ça signifie. La monogamie, donc, c'est l'union de deux personnes. C'est lorsqu'on parle de polygamie qu'il peut y avoir souvent des confusions. Dans la polygamie, on distingue plusieurs formes. La plus connue, parce qu'elle est plus répandue, c'est la polygynie, c'est-à-dire l'union d'un homme et de plusieurs femmes. La polyandrie, autrement dit l'union d'une femme avec plusieurs hommes, qui est beaucoup plus rare. Et enfin, une forme qu'on, des fois, on ne soupçonnerait pas l'existence, c'est l'union par groupe, donc de plusieurs femmes avec plusieurs hommes. Est-ce que la proportion des sociétés polygames et monogames est actuellement connue? Oui, selon les démographes et les ethnologues, il y aurait 80% des sociétés connues et étudiées qui sont polygames. On parle ici de toutes formes confondues, sachant que la polygynie est la plus répandue. Mais les démographes ont montré aussi que dans les sociétés polygyniques, donc où l'union d'un homme avec plusieurs femmes est autorisée, il y a entre 60 et 80% des foyers qui sont monogames. C'est quand même pas négligeable. Tu nous dis donc que même si la polygamie est autorisée, elle n'est pas forcément pratiquée. En effet, il existe des facteurs qui vont influencer ce choix d'union, notamment des facteurs économiques et sociaux. Donc si on prend l'exemple de certaines sociétés où la population vit de la cueillette et de la chasse, c'est le manque de ressources qui va empêcher un homme d'avoir plusieurs épouses. Donc dans ces sociétés-là, les femmes ne travaillent pas, elles s'occupent des enfants, donc il faut les loger et les nourrir. Dans certaines autres sociétés, comme par exemple les Hopi qui vivent dans le nord-est de l'Arizona, la coutume est que l'homme emménage chez sa femme après le mariage. Donc là, on comprend très bien que c'est difficile d'avoir plusieurs femmes à la fois. Ouais, c'est vrai. Et si on fait abstraction des facteurs économiques, sociaux, est-ce que la polygynie, donc un homme avec plusieurs femmes, est-ce que ce serait la norme? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que d'un point de vue biologique, et pas uniquement chez l'humain, les mâles produisent des spermatozoïdes en très grande quantité et aussi souvent qu'ils le désirent. Tandis que chez les femelles, elles ne génèrent qu'un nombre restreint périodiquement. Donc les femelles n'ont besoin que d'un seul mâle pour fertiliser leurs œufs, tandis que les mâles, ont la capacité d'en féconder plusieurs. Donc c'est vrai que pour eux, ils ont l'avantage de perpétuer leurs gènes en fécondant plusieurs femelles. Et dans ce cas-là, la polygynie prend tout son sens. Ouais. La polygynie apporte un avantage par rapport au plan reproductif, mais par rapport à l'humain, est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont présents? Oui, en effet. Donc, je vais prendre l'exemple des Nambiquara du Brésil. Donc, on sait, grâce aux écrits de Claude Lévi-Strauss, qui est un anthropologue et ethnologue français, qu'il existait une polygamie des chefs et une monogamie du peuple. Donc, autrement dit, les chefs avaient le droit d'avoir plusieurs femmes parce qu'ils avaient énormément de responsabilités. Donc, ces femmes-là n'étaient pas forcément utiles pour faire la cuisine ou s'occuper des enfants, mais plutôt pour l'aider et le conseiller dans ses choix. Ah oui? Et chez certaines populations d'Australie et de Mélanésie, ce sont les hommes âgés, eux, qui ont le privilège d'avoir plusieurs femmes. Donc, lorsqu'on est jeune, on est monogame. Et plus on avance dans le temps, plus on devient polygame. Alors, pourquoi? Parce que les jeunes épouses, elles permettent aux vieux couples de subsister plus facilement. Elles les aident dans leurs tâches de tous les jours. Et puis, dans d'autres sociétés, mais même dans les sociétés occidentales dans le passé, avoir plusieurs femmes, c'était un signe de richesse et de puissance. Je me disais aussi. Est-ce qu'il existe quand même des situations où une femme va s'unir avec plusieurs hommes? Oui, ça existe. C'est quand même assez rare. Ça s'appelle la polyandrie. Donc, ça se rencontre chez les Baïma de l'Afrique orientale, chez certaines tribus d'Esquimaux, chez les Toda de l'Inde ou au Tibet. Alors, d'après ce que j'ai pu lire, les populations que je viens de citer sont extrêmement diversifiées par leurs coutumes, par leurs organisations. Donc, c'est très difficile de donner une seule explication générale pour cette polyandrie. Si on prend l'exemple des Tibétains, quand une femme épouse un homme, elle devient la femme de tous ses frères automatiquement. Alors pourquoi cette coutume-là ? Ben, cela éviterait en fait le morcellement de la propriété des terres en plusieurs familles monogames. Donc là, tout reste dans la même famille. Chez certains peuples comme les Toda, qui eux sont présents en Inde, le type de mariage a évolué au cours du temps. Donc c'est très intéressant parce que à cause d'une longue période de pénurie, l'infanticide des filles était pratiqué pour restreindre la population quand il n'y avait pas assez de ressources, comme les femmes, c'est elles qui engendrent les enfants. Et les filles donc étaient moins nombreuses et il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc lorsque les hommes se mariaient, la femme devenait automatiquement l'épouse de ses frères. Cependant, lorsque les Anglais sont arrivés, ils ont interdit les infanticides. Donc là, forcément, dans les années 90, on a vu un boom de la population féminine. Et ils n'ont pas abandonné la polyandrie, mais pour en quelque sorte équilibrer la population, ils ont complété par la polygénie. Mm-hmm. Donc un homme pouvait avoir plusieurs femmes et une femme pouvait avoir plusieurs hommes. Mm. Et par rapport aux animaux, est-ce qu'ils sont polygames ou monogames? Chez les animaux, la monogamie, c'est plutôt l'exception que la règle, mais ça existe. Mmh. Alors, chez les mammifères, le taux d'espèces monogames a été réévalué en 2013 à 9%. Alors, pour avoir un peu un ordre d'idée, chez les carnivores, ça serait 16% qui seraient monogames. Alors, plutôt les petits carnivores comme le fennec ou le chacal. Mmh. Chez les primates, c'est autour de l'ordre de 30%. Mais on n'y trouve pas le chimpanzé ou le gorille. Mmh. Et chez de nombreux rongeurs, on retrouve aussi la monogamie. Mmh. Chez les oiseaux, c'est beaucoup plus fréquent. C'est 95% des espèces qui seraient socialement monogames. C'est quand même curieux, cette différence entre les mammifères et les oiseaux. Est-ce qu'on sait pourquoi cette différence ? Ça pourrait venir par leur mode de gestation. Chez les mammifères, donc la gestation a lieu dans le ventre de la femelle. Donc le mâle contribue moins en fait aux soins parentaux puisque c'est la femelle au début qui va nourrir le petit et puis par l'allaitement. Chez les oiseaux, c'est différent. Le mâle participe à l'incubation des œufs ou s'il ne le fait pas, il va être présent pour nourrir la femelle parce que si la femelle devait se nourrir, elle devrait abandonner les petits. Et dans ce cas-là, il y a plus de chances d'être... Il en faut un qui couve et un qui va chercher à manger. Voilà, c'est ça. Donc ça serait un peu l'explication. Et puis, on remarque une apparition de la monogamie chez les mammifères. Donc, il y a plusieurs théories par rapport à ça. Mais dans tous les cas, cela conférerait un avantage évolutif pour la protection de la couvée et des parents, enfin, du moins de la mère. Donc, finalement, l'homme est-il polygame ou monogame? Alors, il y a toujours eu des questionnements à ce propos-là. C'est pas moi qui vais y répondre. Est-ce que l'homme est-il naturellement monogame ou pas? Mais ce qui est sûr, c'est que l'homme s'adapte à son environnement. On l'a très bien vu tout à l'heure chez les Toda d'Inde, donc par rapport à ce qui se passe. Et dans les sociétés occidentales, avec l'évolution de la condition de la femme et des sociétés humaines en démocratie, on a vu la monogamie qui s'est répandue largement. Alors oui, dans les sociétés, je parle occidentales, l'humain est économiquement et socialement monogame du point de vue du mariage. Mais finalement, rien n'empêche les hommes et les femmes d'être polygames par des relations extra-conjugales. Ouais, ça se voit effectivement. Voilà, et puis ce qui se voit de plus en plus aussi, c'est les divorces et les remariages. Et là, on commence à parler de polygamie sérielle. Ah! Okay. Donc, oui, on n'a pas plusieurs femmes ou plusieurs hommes en même temps, mais finalement, on n'a pas le même partenaire et pas forcément des enfants avec un seul partenaire. Pendant toute la vie, exactement, oui. Donc, finalement, monogame en apparence, mais parfois polygame en pratique, peut-être. C'est ça. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Judith, également. On passe en musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, donc, ça va être autour de Philippe et de Shana qui vont vous parler de leur expérience aux Expos Sciences.